بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خذ لكم منطقة أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 43 وبعد 100، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة أو صلاة النفاس، وصححه الحاكم، والحديث ضعيف. طيب، donc dans le 142e hadith, selon Umm Salama, qu'elle dit que les femmes atteintes de leur louchie s'abstenaient durant, après leur nifas, 40 jours. D'accord ? 40 jours. Rapporté par les Khamsa, hormis le Nasa'i. Et ce terme-là, l'énoncé, vient de Abu Dawud. Et dans un autre énoncé qu'il aurait à lui, qu'elle ait dit, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ordonnait pas de rattraper la salat. Non. Donc là, ça parle des louchis. Un nifas, c'est les louchis en français. C'est le sang qui vient à la suite d'un accouchement. Non. Donc il dit, mas'alatun aqal an nifasi, le minimum du nifas. Donc ça revient comme on avait dit au début de Haïd. Sans dire khilaf, les ulama ils ont dit tant, et en réalité il n'y a pas de dalil. D'ailleurs c'est le col du Jumhur, comme il le rapporte, qui voit qu'il n'y a pas de minimum. Certains ont dit 25 jours, ainsi de suite. Certains ont dit 3 jours, mais en réalité il n'y a pas de dalil, donc il n'y a pas de minimum. Défini, on va dire. Après il dit pareil, mas'alatun akthar an nifasi. Le maximum de jours qu'une femme peut avoir son nifas. Donc il y a rapporté le point de Nawawi, où il parle du nifas. Par exemple, il y a Ijma, que la femme doit délaisser la salat, aussi aime. Et ce qui s'ensuit. Et que même si c'est nifas, c'est l'oshi venait à durer 50 jours, tant qu'elle ne voit pas les traces de purification, elle ne reprend pas la salat. Elle continue. Donc, pareillement, il n'y a pas de dalil. Bien que cet ulama voit que c'est 40 jours. Après, c'est fini. Et le chir, il voit que la vie qui lui apparaît, c'est que tant que le sang continue, on s'en y fasse, même si c'est après 40 jours, le jumeau reste le même. Et là, on y fasse. Alors, le chien. Et c'est le kalem choisi par Cheikh al-Islam Taymiyyah dans Majmou et Fatahawa. Que le nifas, il n'a pas de minimum ou de maximum. Sa moyenne, c'est 40 jours hein, à la base, ce qui est connu. Comme les menstrues, souvent c'est 6-7 jours, tu vois. Donc il y a une moyenne. Il y a une moyenne qui est définie, mais elle n'est pas dans l'absolu. Il peut y avoir moins, il peut y avoir plus. Après il dit mas'alatun idha aawada an-nufasa wa ad-dam ba'd tuhriha fi muddat al-40. Donc maintenant si les 40 jours n'ont pas été achevés par exemple et que son sang s'arrête. D'accord ? Par exemple au bout de 30 jours le sang s'arrête. Mas'alan. Et que le 30e jour le sang revient. Par exemple, c'est ça en fait qu'il veut dire. Dans la période de 40 jours, ça s'arrête et ça revient. Donc il a rapporté le parole de Nukudama dans le Mourni, où il cita qu'il y a deux paroles dans la situation. Une selon Ahmed, que ce soleil considère comme étant son ifès. Toujours. Donc elle ne. Donc pas de saum, pas de salaire, elle reste ton jument de l'ifès. Et deuxième call, c'est que c'est un sang douteux. Donc elle jeûne, elle fait la salate et elle rattrape par la suite son jeûne par prudence. C'est-à-dire elle jeûne, si elle a un jeûne à faire par Mathalène, par son ifès, elle jeûne, et elle rattrape ce jour-là par prudence. Non, ça c'est une machaque quand même. Donc après, et que Bloukodama, lui, voit que la vie correcte, c'est le premier. C'est Sénifès. D'accord, c'est Sénifès. C'est ce que Shir Muzem également, il voit. Et il reste du fait, si on voit également que le sang, c'est le même caractéristique, c'est le même sang. C'est pas un sang différent. Il revient, mais c'est le même sang qu'elle avait avant. C'est la même caractéristique aussi, il précise. Après, c'était une masala, je n'ai pas cerné parce qu'il parle de Wad et pas de Iskot. Il parle d'accouchement et pas d'avortement, ou plutôt de fausse couche. Donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Donc je préfère la laisser la masala. Parce qu'il emploie le terme Wad. Le Wad, c'est l'accouchement. Alors que le fausse couche est Iskot. Là, il parle de si la femme elle accouche d'une goutte, d'un bout de chair, d'un lambeau, c'est comme la création de l'homme. Et ça, là-bas, ça ne couche pas de ça. Généralement, c'est fausse couche. Mais là, il employait le terme boire. Donc, comme j'ai pas voulu, je vois pas ce qu'il a. Il aurait fallu que je lui demande directement, parce que je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit. Et j'ai pas de talik là-dessus. Donc, on laisse la masala. On a besoin de taudir. Elle est simple, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Est-ce qu'il parle d'accouchement ou de fausse couche? Après, il dit mas'alatun. Hukm al-nufasa'i, hukm al-ha'ir. Le jugement de la femme qui a séloché, c'est le même jugement que la femme qui a ce morceau. C'est la même chose. Et c'est une parole de Mukodama dans le Mourni qui dit ça, c'est justement qu'elles ont le même jugement toutes les deux, en toute situation. D'accord ? Que les obligations dont s'abstient la femme qui a ses menstrues, il en est de même pour la femme qui a ses lochis. Et qu'on ne connaît pas très l'effet là-dessus. Également, il n'est pas permis d'avoir des rapports avec elle. Hormis le fait de se frotter aux genre de choses, mais la pénétration, pas permis. Également, il y a le khilaf par rapport à l'expiation pour celui qui a eu des rapports avec elle, comme dans les menstrues. Car ils disent que le dème de Nifes, c'est le même dème que le haïd. En fait, c'est le dème du haïd qui était retenu durant la grossesse. D'accord ? C'est le sang de ce haïd qui a été retenu pendant la grossesse, avant qu'il ne se transforme en lait par la suite, lorsqu'elle sera enceinte, lorsqu'elle aura accouché. Car c'est de ce sang-là, justement, que le fœtus se nourrit. Le fœtus, dans le fœtus de la mère, c'est que sa nourriture, et ça vient de là. Donc c'est une chose qui s'accumule. D'accord ? S'accumule. Après l'accouchement, ça sort. Donc il dit, lorsque la femme, elle accouche, la veine contenant justement ce sang-là s'ouvre, et là le sang, il sort. Et à partir du moment où le sang est sorti, voilà, on n'a plus que les règles du nifes. Et la différence entre le nifes et le haïd, c'est que le haïd, on peut le prendre en compte pour la idda de la femme. Lorsque la femme, par exemple, elle est divorcée ou quoi, on peut compter par ses haïd. Qu'elle a eu trois haïd avant que le divorce soit effectif. Elle est toujours en idda. Alors que le nifes, il n'y a pas. C'est pas compté. À la base, c'est quoi la fin de la ida de la femme qui est enceinte? L'accouchement. Sauf qu'elle a accouché, sa ida est terminée. D'accord? Qu'elle était veuve, qu'elle était divorcée. Bon, donc, on dit que son mari l'a divorcée le lundi, elle était enceinte, et le mercredi, elle accouche. Dès le jeudi, elle peut se marier. Mais pas de rapport. D'accord? La falaine. Ou par exemple, pareillement, son mari, il était décédé, elle était enceinte. Ah, il y a des hadiths là-dessus, je ne les ai plus en tête, mais des hadiths, il y a des hadiths là-dessus. Après, il dit Mas'alatun. Elle, تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية. Est-ce que la femme a des nifes si par exemple elle a accouché par césarienne? D'accord. Et Cheikh Ibn Baz, il rapporte, il dit que dans les fatwas de la Jannat Daima, volume 5, page 420, qu'il dit si jamais elle voit du sang, c'est pareil. Même si elle était, elle a accouché en césarienne, c'est pareil. S'il y a du sang qui sort, son utérus, kaza, elle a dit c'est pareil. Par contre, si elle ne voit pas de sang, ma fichée. Elle cousait comme étant pure, et elle peut faire salat, et elle peut jeûner, c'est la jeûner. Après, il dit Masalatul Hukm al-Dami, al-Azi yakhruju qabl al-Wilada. Le sang qui s'amène à sortir avant l'accouchement. Il y a du sang qui sort avant l'accouchement. Parmi les gens de science, certains l'ont mis comme étant justement du nifas, glochi. Comme l'aurait dit le Hassan al-Basri, ce serait une des paroles des Hanabila, des Shafi'iyah. Et que c'est l'avis choisi par Ibn Qudama et Cheikh Sa'adi. Et d'autres, parmi les ulama, voient que ce n'est pas du loshi. C'est également une parole chez Hanabila, même entre un khilaf. Et c'est le kalam également qui est connu chez les Shafi'iyah, donc même entre un khilaf. Et c'est le kalam choisi par le Munzir et par Cheikh Al-Othaymin. Rahmatullah alim jami'an. Après, Cheikh dit, si le sang qui sort avant l'accouchement et sur la caractéristique du sang du nifes, c'est du nifes. Ou du haid, c'est du haid. Donc elle arrête la salat et ce qui s'ensuit. Et c'est l'avis choisi par Cheikh al-Islam Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa, volume 19, page 240. Quand même. Donc de là, du fond de l'Allah Ta'ala s'achève cette série de cours dans Bab Kitab Tahara, le livre de la planification, Jamia Abu Abihi, tous ces chapitres de Boulou al-Maram, avec l'étude donnée par Cheikh Mohamed ibn Hizam, Hafizallahu Ta'ala. A savoir qu'on l'a appris de façon résumée et simplifiée, certaines masalas qui n'ont pas été citées, beaucoup de noms de savants n'ont pas été cités, les références n'ont pas été citées, ce n'est que très peu. Car cela revient pour celui qui aurait l'arabe. Car quel est l'intérêt que je donne la référence du livre en arabe? Celui qui va le voir, il ne parle pas l'arabe. Et celui qui a l'arabe, ben, qui se passe de mes cours et qui prête directement le livre en arabe. Là, c'est vraiment pour les francophones. D'accord? Pour qu'ils aient des bases. Car ce livre est vraiment, Allah Mabarak, d'un grand profit pour la Ummah. En 5 gros volumes. Et là, ce qu'on a pris, c'est équivaut peut-être à. Même pas la moitié du premier volume. Peut-être un tiers, peut-être un tiers, ou Allah Alam. Comme j'ai pris de la marzama direct, pas en premier volume avec moi, voilà. فَإِذَا أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَإِذَا أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ. Et il se peut que demain ou après-demain on fasse un khurasa. C'est-à-dire l'essentiel à retenir de ces durus. D'accord ? Histoire que ça reste bien ancré, Inch'Allah, dans l'esprit. C'est pas si c'était les khilafs ou quoi, juste les points. Par exemple, on connaît le dos, c'était quoi ? Les choses qui sont dans l'ajassa, c'était quoi ? La salène, ce genre de choses. Oui. La nil le khulasa. Naam. Ma'foum ala. Faylauna walhamdulillahi rabbil alamin.